dans chaque coin, oublié du serveur. Reste un souvenir qu'on n'a pas osé toucher. Et parfois, c'est là, je retourne, pas pour lutter, pour pleurer. Paix, paix. Une boîte vide, un sac jeté, mais je reconnais nom dessus. Un ancien frère tombé sans bruit, et je me demande si quelqu'un s'en souvient encore. Who remembers what we lost? Writer's skill, he bears the cost. Who walks through ash and frost, still holds the post. J'ai vu leurs bases tomber une à une, pas sous les roquettes, mais sous l'oubli. Et je me dis que parfois, c'est plus cruel que le feu, parce que ça laisse rien à haïr. Who weeps when none can see? Oh, parlez, on riait. Sleeping, juste moi et l'écho d'un j'ai dit qui ne vient plus jamais. Mais je les oublie pas jamais. Je rejoue leur pas, je protège leur route. Je défends leur mémoire comme un sanctuaire, même si ça veut dire rester seul. Who builds where all has died? With heart and pride. Who sings the hopes denied? He never hides. Je me tiens là sous la pluie, devant un feu. J'ai pas allumé, mais que je laisse brûler pour eux. Parce que tant qu'il y a une étincelle, ils vivent encore.